Chapitre 6 Les dieux de la cité. Il ne faut pas perdre de vue que chez les anciens, ce qui faisait le lien de toute société, c'était un culte. De même qu'un autel domestique tenait groupé autour de lui les membres d'une famille, de même la cité était la réunion de ceux qui avaient les mêmes dieux protecteurs et qui accomplissaient l'acte religieux au même autel. Cet autel de la cité était renfermé dans l'enceinte d'un bâtiment que les Grecs appelaient Prytanée, et que les Romains appelaient Temple de Vesta. Le Prytanée contenait le foyer commun de la cité. Il y avait un Prytanée dans toute ville grecque. À Rome, le Temple de Vesta n'était pas autre chose qu'un foyer. Il n'y avait rien de plus sacré dans une ville que cet autel, sur lequel le feu sacré était toujours entretenu. Il est vrai que cette grande vénération s'affaiblit de bonne heure en Grèce, parce que l'imagination grecque se laissa entraîner du côté des plus beaux temples, des plus riches légendes et des plus belles statues. Mais elle ne s'affaiblit jamais à Rome. Les Romains ne cessèrent pas d'être convaincus que le destin de la cité était attaché à ce foyer qui représentait leur dieu. Le respect qu'on portait aux Vestales prouve l'importance de leur sacerdoce. Si un consul en rencontrait une sur son passage, il faisait abaisser ses faisceaux devant elle. En revanche, si l'une d'elles laissait le feu s'éteindre ou souillait le culte en manquant à son devoir de chasteté, la ville qui se croyait alors menacée de perdre ses dieux se vengeait sur la Vestale en l'enterrant toute vive. Un jour, le temple de Vesta faillit être brûlé dans un incendie des maisons environnantes. Rome fut en alarme, car elle sentit tout son avenir en péril. Le danger passé, le Sénat prescrivit au consul de rechercher les auteurs de l'incendie. Et le consul porta aussitôt ses accusations contre quelques habitants de Capoue qui se trouvaient alors à Rome. Ce n'était pas qu'il eût aucune preuve contre eux, mais il faisait ce raisonnement. Un incendie a menacé notre foyer. Cet incendie qui devait briser notre grandeur et arrêter nos destinées n'a pu être allumé que par la main de nos plus cruels ennemis. Or, nous n'en avons pas de plus acharné que les habitants de Capoue, cette ville qui est représentement l'allié d'Hannibal, et qui aspire à être à notre place la capitale de l'Italie. Ce sont donc ces hommes-là qui ont voulu détruire notre temple de Vesta, notre foyer éternel, ce gage et ce garant de notre grandeur future. Ainsi, un consul, sous l'empire de ses idées religieuses, croyait que les ennemis de Rome n'avaient pas pu trouver de moyen plus sûr de la vaincre que de détruire son foyer. Nous voyons là les croyances des anciens. Le foyer public était le sanctuaire de la cité. C'était ce qui l'avait fait naître, et ce qui la conservait. De même que le culte du foyer domestique était secret, et que la famille seule avait droit d'y prendre part, de même le culte du foyer public était caché aux étrangers. Nul, s'il était citoyen, ne pouvait assister au sacrifice. Le seul regard de l'étranger souillait l'acte religieux. Chaque cité avait des dieux qui n'appartenaient qu'à elle. Ces dieux étaient ordinairement de même nature que ceux de la religion primitive des familles. On les appelait lares, pénates, génies, démons, héros. Sous tous ces noms, c'étaient des âmes humaines divinisées par la mort. Car nous avons vu que dans la race indo-européenne, l'homme avait eu d'abord le culte de la force invisible et immortelle qu'il tenait en lui. Ces génies ou ces héros étaient la plupart du temps les ancêtres du peuple. Les corps étaient enterrés soit dans la ville même, soit sur son territoire. Et comme, d'après les croyances que nous avons montrées plus haut, l'âme ne quittait pas le corps, il en résultait que ces morts divins étaient attachés au sol où leurs ossements étaient enterrés. Du fond de leur tombeau, ils veillaient sur la cité. Ils protégeaient le pays, et il en était en quelque sorte les chefs et les maîtres. Cette expression de chef du pays, appliquée aux morts, se trouve dans un oracle adressé par la Pythie à Solon. Honore d'un culte les chefs du pays, les morts qui habitent sous terre. Ces opinions venaient de la très grande puissance que les antiques générations avaient attribuée à l'âme humaine après la mort. Tout homme qui avait rendu un grand service à la cité, depuis celui qui l'avait fondée jusqu'à celui qui lui avait donné une victoire ou avait amélioré ses lois, devenait un dieu pour cette cité. Il n'était même pas nécessaire d'avoir été un grand homme ou un bienfaiteur. Il suffisait d'avoir frappé vivement l'imagination de ses contemporains et de s'être rendu l'objet d'une tradition populaire pour devenir un héros, c'est-à-dire un mort puissant dont la protection fut à désirer et la colère à craindre. Les Thébains continuèrent pendant 10 siècles à offrir des sacrifices à Éthéocle et à Polynice. Les habitants d'Acanthe rendaient un culte à un Perse qui était mort chez eux pendant l'expédition de Xerxès. Hippolyte était vénéré comme dieu à Trézène. Pyrrhus, fils d'Achille, était un dieu à Delphes, uniquement parce qu'il y était mort et y était enterré. Croton rendait un culte à un héros par le seul motif qu'il avait été de son vivant le plus bel homme de la ville. Athènes adorait comme un de ses protecteurs Eurysthée, qui était pourtant un Argien. Mais Euripide nous explique la naissance de ce culte quand il fait paraître sur la scène Eurysthée près de mourir et lui fait dire aux Athéniens « Ensevelissez-moi dans l'Attique, je vous serai propice et dans le sein de la terre je serai pour votre pays un hôte protecteur. » Toute la tragédie d'Édipe à Colone repose sur ces croyances. Athènes et Thèbes se disputent le corps d'un homme qui va mourir et qui va devenir un dieu. C'était un grand honneur pour une cité de posséder des morts quelque peu marquants. Mantinée parlait avec orgueil des ossements d'Arcas, Thèbes de ceux de Géryon, Mécène de ceux d'Aristomène. Pour se procurer ces reliques précieuses, on usait quelquefois de ruses. Hérodote raconte par quelle supercherie les Spartiates dérobèrent les ossements d'Oreste. Il est vrai que ces ossements, auxquels était attachée l'âme du héros, donnèrent immédiatement une victoire aux Spartiates. Dès qu'Athènes eut acquis de la puissance, le premier usage qu'elle en fit fut de s'emparer des ossements de Thésée, qui avait été enterré dans l'île de Skyros, et de leur élever un temple dans la ville, pour augmenter le nombre de ses dieux protecteurs. Outre ses héros et ses génies, les hommes avaient des dieux d'une autre espèce, comme Jupiter, Junon, Minerve, vers lesquels le spectacle de la nature avait porté leurs pensées. Mais nous avons vu que ces créations de l'intelligence humaine avaient eu longtemps le caractère de divinités domestiques ou locales. On ne conclut pas d'abord ces dieux comme veillant sur le genre humain tout entier. On crut que chacun d'eux appartenait en propre à une famille ou à une cité. Ainsi, il était d'usage que chaque cité, sans compter ses héros, eût encore un Jupiter, une Minerve ou quelque autre divinité qu'elle avait associée à ses premiers pénates et à son foyer. Il y avait ainsi en Grèce et en Italie une foule de divinités polyades. Chaque ville avait ses dieux qui l'habitaient. Les noms de beaucoup de ces divinités sont oubliés. C'est par hasard qu'on a conservé le souvenir du dieu Satrapès, qui appartenait à la ville d'Élis, de la déesse d'Indymène à Thèbes, de Sotéira à Aegium, de Britomartis en Crète, de Iblaïa à Ibla. Les noms de Zeus, Athénée, Héra, Jupiter, Minerve, Neptune nous sont plus connus, et nous savons qu'ils étaient souvent appliqués à ces divinités polyades. Mais de ce que deux villes donnaient à leur dieu le même nom, gardons-nous de conclure qu'elles adoraient le même dieu. Il y avait une Athénée à Athènes, et il y en avait une à Sparte. C'étaient deux déesses. Un grand nombre de cités avaient un Jupiter pour divinité polyade. C'était autant de Jupiter qu'il y avait de villes. Dans la légende de la guerre de Troie, on voit une Pallas qui combat pour les Grecs, et il y a chez les Troyens une autre Pallas qui reçoit un culte et qui protège ses adorateurs. Dira-t-on que c'était la même divinité qui figurait dans les deux armées ? Non, certes, car les anciens n'attribuaient pas à leur dieu le don d'ubiquité. Les villes d'Argos et de Samos avaient chacune une Héra polyade. Ce n'était pas la même déesse, car elle était représentée dans les deux villes avec des attributs bien différents. Il y avait à Rome une Junon. À 5 lieues de là, la ville de Veii en avait une autre. C'était si peu la même divinité que nous voyons le dictateur Camille, assiégeant Veii, s'adresser à la Junon de l'ennemi pour la conjurer d'abandonner la ville étrusque et de passer dans son camp. Maître de la ville, il prend la statue, bien persuadé qu'il prend en même temps une déesse, et la transporte dévotement à Rome. Rome eut dès lors deux Junons protectrices. Même histoire, quelques années après, pour un Jupiter, qu'un autre dictateur apporta de près de l'Est, alors que Rome en avait déjà 3 ou 4 chez elle. La ville qui possédait en propre une divinité ne voulait pas qu'elle protégeât les étrangers et ne permettait pas qu'elle fût adorée par eux. La plupart du temps, un temple n'était accessible qu'aux citoyens. Les Argiens seuls avaient le droit d'entrer dans le temple de la Héra d'Argos. Pour pénétrer dans celui de l'Athénée d'Athènes, il fallait être athénien. Les Romains qui adoraient chez eux deux Junons ne pouvaient pas entrer dans le temple d'une troisième Junon qu'il y avait dans la petite ville de Lanuvium. ils n'acquirent ce droit que par la conquête. Il faut bien reconnaître que les anciens ne se sont jamais représenté Dieu comme un être unique qui exerce son action sur l'univers. Chacun de leurs innombrables dieux avait son petit domaine, à l'un une famille, à l'autre une tribu, à celui-ci une cité. C'était là le monde qui suffisait à la providence de chacun d'eux. Quant aux dieux du genre humain, quelques philosophes ont pu le deviner, les mystères d'Éleusis ont pu le faire entrevoir aux plus intelligents de leurs initiés, mais le vulgaire n'y a jamais cru. Pendant longtemps, l'homme n'a compris l'être divin que comme une force qui le protégeait personnellement. Et chaque homme, ou chaque groupe d'hommes, a voulu avoir son dieu. Aujourd'hui encore, chez les descendants de ces Grecs, on voit des paysans grossiers prier les saints avec ferveur. Mais on doute s'ils ont l'idée de Dieu. Chacun d'eux veut avoir parmi ses saints un protecteur particulier, une providence spéciale. À Naples, chaque quartier a sa madone. Le Lazzarone s'agenouille devant celle de sa rue, et il insulte celle de la rue d'à côté. Il n'est pas rare de voir deux Facchini se quereller et se battre à coups de couteau pour les mérites de leurs deux madones. Ce sont là des exceptions aujourd'hui, et on ne les rencontre que chez ceux de certains peuples et dans de certaines classes. C'était la règle chez les anciens. Chaque cité avait son corps de prêtres, qui ne dépendait d'aucune autorité étrangère. Entre les prêtres de deux cités, il n'y avait nul lien, nulle communication, nul échange d'enseignements ni de rites. Si l'on passait d'une ville à une autre, on trouvait d'autres dieux, d'autres dogmes, d'autres cérémonies. Les anciens avaient des livres liturgiques, mais ceux d'une ville ne ressemblaient pas à ceux d'une autre. Chaque cité avait son recueil de prières et de pratiques, qu'elle tenait fort secret. Elle eût cru compromettre sa religion et sa destinée si elle l'eût laissé voir aux étrangers. Ainsi la religion était toute locale, toute civile, à prendre ce mot dans le sens ancien, c'est-à-dire spécial à chaque cité. Il n'existait de culte commun à plusieurs cités que dans le cas de confédération. Nous en parlerons ailleurs. En général, l'homme ne connaissait que les dieux de sa ville, n'honorait et ne respectait qu'eux. Chacun pouvait dire ce que, dans une tragédie d'Eschyle, un étranger dit aux Argiennes. « Je ne crains pas les dieux de votre pays, et je ne leur dois rien. » Chaque ville attendait son salut de ses dieux. On lui invoquait dans le danger, on les remerciait d'une victoire. Souvent aussi on s'en prenait à eux d'une défaite. On leur reprochait d'avoir mal rempli leur office de défenseur de la ville. On allait quelquefois renverser leurs autels et jeter des pierres contre leurs temples. Ordinairement, ces dieux se donnaient beaucoup de peine pour la ville, dont ils recevaient un culte, et cela était bien naturel. Ces dieux étaient avides d'offrandes, et ils ne recevaient de victimes que de leur ville. S'ils voulaient la continuation des sacrifices et des hécatombes, il fallait bien qu'ils veillassent au salut de la cité. Cette pensée se voit souvent chez les anciens. Voyez dans Virgile comme Junon fait effort et travaille pour que sa Carthage obtienne un jour l'empire du monde. Chacun de ces dieux, comme la Junon de Virgile, avait à cœur la grandeur de sa cité. Ces dieux avaient même intérêt que les hommes, leurs concitoyens. En temps de guerre, ils marchaient au combat, au milieu d'eux. On voit dans Euripide un personnage qui dit, à l'approche d'une bataille, « Les dieux qui combattent avec nous valent bien ceux qui sont du côté de nos ennemis. » Jamais les Éginètes n'entraient en campagne sans emporter avec eux les statues de leurs héros nationaux, les Éacides. Les Spartiates emmenaient dans toutes leurs expéditions les Tindarides. Dans la mêlée, les dieux et les citoyens se soutenaient réciproquement, et quand on était vainqueur, c'est que tous avaient fait leur devoir. Si une ville était vaincue, on croyait que ses dieux étaient vaincus avec elle. Si une ville était prise, ses dieux eux-mêmes étaient captifs. Il est vrai que sur ce dernier point, les opinions étaient incertaines et variaient. Beaucoup étaient persuadés qu'une ville ne pouvait jamais être prise tant que ses dieux y résidaient. Lorsque Énée voit les Grecs maîtres de Troie, il s'écrie que les dieux de la ville sont partis, désertant leurs temples et leurs autels. Dans Eschyle, le cœur des Thébaines exprime la même croyance lorsque, à l'approche de l'ennemi, il conjure les dieux de ne pas quitter la ville. En vertu de cette opinion, il fallait, pour prendre une ville, en faire sortir les dieux. Les Romains employaient pour cela une certaine formule qu'ils avaient dans leur rituel, et que Macrobe nous a conservée. « Toi, ô très grand, qui as sous ta protection cette cité, je te prie, je t'adore, je te demande en grâce d'abandonner cette ville et ce peuple, de quitter ces temples, ces lieux sacrés, et t'étant éloigné d'eux de venir à Rome, chez moi et les miens, que notre ville, nos temples, nos lieux sacrés te soient plus agréables et plus chers. Prends-nous sous ta garde. Si tu fais ainsi, je fonderai un temple en ton honneur. » Or les anciens étaient convaincus qu'il y avait des formules tellement efficaces et puissantes que si on les prononçait exactement et sans y changer un seul mot, le dieu ne pouvait pas résister à la demande des hommes. Le dieu ainsi appelé passait donc à l'ennemi, et la ville était prise. On trouve en Grèce les mêmes opinions et des usages analogues. Encore au temps de Thucydide, lorsqu'on assiégeait une ville, on ne manquait pas d'adresser une invocation à ses dieux pour qu'ils permissent qu'elle fût prise. Souvent, au lieu d'employer une formule pour attirer le dieu, les Grecs préféraient enlever adroitement sa statue. Tout le monde connaît la légende d'Ulysse dérobant la palace des Troyens. À une autre époque, les Éginètes, voulant faire la guerre à Épidaure, commencèrent par enlever deux statues protectrices de cette ville et les transportèrent chez eux. Hérodote raconte que les Athéniens voulaient faire la guerre aux Éginètes, mais l'entreprise était hasardeuse car Égine avait un héros protecteur d'une grande puissance et d'une singulière fidélité. C'était Éacus. Les Athéniens, après avoir mûrement réfléchi, remirent à 30 années l'exécution de leur dessein. En même temps, ils élevèrent dans leur pays une chapelle à ce même Éacus, et ils lui vouèrent un culte. Ils étaient persuadés que si ce culte était continué sans interruption durant 30 ans, le dieu n'appartiendrait plus aux Éginètes, mais aux Athéniens. Il leur semblait en effet qu'un dieu ne pouvait pas accepter pendant si longtemps de grasses victimes, sans devenir l'obligé de ceux qui les lui offraient. Éacus serait donc à la fin forcé d'abandonner les intérêts des Éginètes et de donner la victoire aux Athéniens. Il y a dans Plutarque cette autre histoire. Solon voulait qu'Athènes fût maîtresse de la petite île de Salamine, qui appartenait alors aux Mégariens. Il consulta l'oracle. L'oracle lui répondit : « Si tu veux conquérir l'île, il faut d'abord que tu gagnes la faveur des héros qui la protègent et qui l'habitent. » Solon obéit. Au nom d'Athènes, il offrit des sacrifices aux deux principaux héros salaminiens. Ces héros ne résistèrent pas aux dons qu'on leur faisait. Ils passèrent du côté d'Athènes. Et l'île, privée de protecteurs, fut conquise. En temps de guerre, si les assiégeants cherchaient à s'emparer des divinités de la ville, les assiégés de leur côté les retenaient de leur mieux. Quelquefois, on attachait le dieu avec des chaînes pour l'empêcher de déserter. D'autres fois, on le cachait à tous les regards pour que l'ennemi ne pût pas le trouver. Ou bien encore, on opposait à la formule par laquelle l'ennemi essayait de débaucher le dieu une autre formule qui avait la vertu de le retenir. Les Romains avaient imaginé un moyen qui leur semblait plus sûr. Ils tenaient secret le nom du principal et du plus puissant de leur dieu protecteur. Ils pensaient que les ennemis, ne pouvant jamais appeler ce dieu par son nom, ils ne passeraient jamais de leur côté et que la ville ne serait jamais prise. On voit par là quelle singulière idée les anciens se faisaient des dieux. Ils furent très longtemps sans concevoir la divinité comme une puissance suprême. Chaque famille eut sa religion domestique, chaque cité sa religion nationale. Une ville était comme une petite église complète, qui avait ses dieux, ses dogmes et son culte. Ces croyances nous semblent bien grossières, mais elles ont été celles du peuple plus spirituel de ces temps-là, et elles ont exercé sur ce peuple et sur le peuple romain une si forte action que la plus grande partie de leurs lois, de leurs institutions et de leur histoire, est venue de là.